3. Un élève de David. Abel aussi revenait de Rome. Son nom prononcé par tous les écoliers qui l'entouraient, l'interrogeait et l'étouffait en l'embrassant dans un désordre de surprise et de plaisir, fit accourir de son coin la nièce de M. Léonard. Elle s'aperçut la première qu'Abel était pâle et chancelant sous ses cheveux blonds, étouffus et sous sa haute stature. « Déjà, dit-elle, en lui offrant une chaise et en l'examinant avec intérêt, « Est-elle flamande ?» répartit M. Léonard. « Est-ce qu'on dit jamais déjà aux amis qui reviennent ?»« Cela veut dire quel bonheur, mon oncle. Et puis n'est-il pas flamand comme moi, lui ?»« Il entend bien, » poursuivit-elle en le regardant du coin de l'œil intelligent d'une sœur. Abel sourit, et son front pâle reprit couleur. « C'est bon, » continua-t-elle en levant son doigt qu'elle agita près de sa bouche. « J'en étais sûr. Est-ce qu'on reste à Rome quand... »« Quoi, mademoiselle ? Qui savait tout ?» dit son oncle qui ne savait rien. Quand on y prend, le voilà fait. Il faut bien un peu d'air natal et mille choses qui sont à Paris pour se reposer de l'école romaine. Hein, monsieur, ai-je prédit juste ? La figure un peu altérée du jeune peintre éclata de bonheur. Il demanda l'entrée de l'atelier pour un compagnon de route arrivant avec lui de Rome, passionné de peinture, allemand de naissance et d'une famille assez riche pour ne pas suspendre son existence au bout de ses crayons. Bravo ! Cria toute l'école. « S'il peint le portrait, il pourra faire crédit à ses amis et aux amants malheureux. Et s'il crée des chefs-d'œuvre, il pourra les garder pour lui. »« Oui, vive la peinture, quand on n'en meurt pas, » dit Corbet. « Ah bah les vandales qui disent insolément gueux comme un peintre. »« Vous voulez bien le recevoir, n'est-ce pas, monsieur Léonard, lui et ses cartons, n'est-ce pas ?»« Parbleu, » répondit monsieur Léonard, rayonnant comme les jeunes. « Est-ce qu'on n'est jamais de trop pour s'éclairer et pour apprendre ? Et puis, présenté par vous, mon cher Abel, » ne sut-il faire qu'une oreille, et, moins encore, il sera reçu chez moi comme un Girardot ou un Terburg. Expliquez-moi ce que vous aviez l'air de chuchoter des yeux à ce cher et honnête Abel, qui en devenait rouge, demanda M. Léonard en dînant avec Ondine. Vraiment, mon oncle, c'est bien difficile à deviner, répondit sa nièce animée d'une gaieté caressante. Vous ne savez donc pas, poursuivit-elle, en avançant sa tête avec l'importance enfantine d'une confidence sérieuse, « Rien, sinon qu'il était parti pour Rome, et qu'il revient de Rome. »« Oh, moi, je sais, » reprit Ondine, mystérieuse et riante, « il a pris le mal du pays à Rome, parce qu'il avait emporté le mal d'amour. Il est amoureux, mon oncle. » Et il appuya ses deux coudes sur la table pour faire de la causerie et de la morale. « Amoureux de quoi ?» dit M. Léonard, la bouche pleine. « Oh, vous verrez bien, car je gage qu'avant 6 mois il est marié. C'est pour cela, mon oncle, qu'il voulait, et qu'il a eu le prix de peinture. » « Ah, mon oncle, on dit devant vous tant de choses que vous n'entendez pas. »« Il paraît que vous entendez tout, vous, » répliqua M. Léonard en éclatant de rire. « Et c'est juste, au reste, vous êtes fille et curieuse. »« Pas curieuse, mon oncle, je suis là, j'entends et je retiens, ce qui en vaut la peine. »« J'ai très peu, bien peu d'histoires dans ma tête, mon oncle. Je n'ai écrit que celle-là. »« C'est-à-dire que vous barbouillez le papier que je vous donne pour vos dessins. » avec les pieds de mouche indéchiffrables que j'ai déjà vu rouler dans vos cartons. Faites-moi le plaisir de me montrer ce qui vous a passé par la tête sur Abel. S'il n'y a pas de quoi frémir, de voir une pauvre petite flamande dégénérée qui ne sait pas encore mettre une tête ensemble d'après la bosse, s'aviser de faire des esquisses d'après nature. Allez un peu me chercher votre carton, ce doit être beau. » Ondine reste à droite et indécise, regardant si le front de son oncle grondait comme lui. Mais il n'avait pas un pli, et ses yeux dansaient par l'effort qu'il faisait pour s'empêcher de rire. « Voilà mon oncle, » dit-elle en posant un petit carton tout ouvert sur le coin de la table, où son oncle mangeait encore quelques cerises qu'elle avait glissées devant lui. Car Élisabeth ne pouvait pas toujours ajouter le luxe d'un tel dessert à l'unique mets dont elle chargeait leur petite table. « Allez, allez à vos soins de ménage, mademoiselle, ôtez la nappe avec cette sage Élisabeth qui n'écrit pas d'histoire. » dit M. Léonard en éloignant de la main sa nièce qui obéit, et il oublia quelques instants sa palette pour parcourir sa papier d'une jeune fille. Pour ma sœur. Vous savez bien, ma sœur, vous savez bien Abel qui venait voir mon oncle, Abel qui est bon comme Philippe, et qui a peint la colère de Jacob dans un coin du Louvre, sous les verrous où nous ne pouvions lui crier bonjour et courage qu'à travers la porte. Eh bien, ma sœur, il est à Rome. On dit qu'il y a des fièvres à Rome, des fièvres de gloire, d'ardent soleil, d'admiration, de fatigue, bien des fièvres, ma sœur. Et il en a déjà une qui l'emporte, une qui lui fait peindre la colère de Jacob, et gagner ce prix si souhaitable. Il était donc content de partir, mais il en était aussi bien fâché, parce qu'il avait de l'amour comme Philippe en avait pour vous, quand il voulait être votre mari, quand il n'aurait pu vous quitter sans devenir malade. Si Abel allait aussi le devenir de son amour et des fièvres de Rome, il en pourrait mourir et ce serait bien dommage. Car j'ai entendu raconter de lui des choses qu'il faut que vous sachiez, ma sœur, comme tout ce que j'apprends d'aimable à retenir. Il a eu durant 16 ans je ne sais quelle voile triste sur sa naissance. Je n'ai pas bien compris ce que ses amis racontaient entre eux des premiers chagrins de son enfance, mais c'était grave et touchant, car leur figure était émue et sérieuse. Il passait alors pour un orphelin, et il ne l'était pas. Ce mot, vous savez, ma sœur, comme il tombe sur le cœur de ceux qui sont aussi des orphelins. J'écoutais donc avec une amitié triste tout ce que l'on disait d'Abel, et ses succès m'ont laissé bien de la joie. Ce semblant d'orphelin s'est élevé sous le simple nom d'Abel, pas d'autre nom, et c'était triste quand ce nom n'avait pas encore un pauvre petit rayon de gloire pour se soutenir seul dans le monde. Par cette espèce d'abandon, peut-être d'ignorance de lui-même et des siens, son caractère, vous l'avez pu voir, a pris une forme sérieuse et sensible. Privé de parents pour l'aimer, il a su de bonne heure se faire des amis pour le plaindre, pour l'attacher à cette vie où on le laissait entrer tout seul, pauvre Abel. De sa petite province du Nord, qui donne la main à celle où nous sommes nés, ma sœur, et dont les clochers disent de loin bonjour à ceux de nos églises, on l'envoya tout jeune, tout vague et tout surpris à Paris, pour y cultiver dans l'étude du dessin les dispositions étonnantes qui étaient nées en lui. Il eut le bonheur d'entrer tout droit dans l'école de David, comme c'était entré dans la Légion d'honneur. Une main invisible et chère, dit-on, versait autour de lui chaque année le prix de sa mystérieuse existence. Mais cette main, comme celle de Dieu, qui nous soutient et que nous ne voyons pas, cette main, ma sœur, ne pressait jamais la sienne. Ce doit être cruel, n'est-ce pas, de ne pouvoir dire « Je vous remercie » à ceux qui ont le droit de nous donner. Aussi, quand ébloui de ses peintures et fatigué d'un travail assidu, il cherchait un regard intime et puissant pour le ranimer, il n'en rencontrait pas. Je me figure, moi, qu'alors il levait les yeux au ciel, parce que j'y regarde souvent, et qu'il les rabaissait tout humides sur ses dessins épars. Sur son isolement, et sur ce là-bas, qui serre le cœur, qui gêne la respiration quand on dit « j'irai seul ». Et puis David passait derrière lui, regardait comme le soleil qui jette sa chaleur sur une jeune plante solitaire. Il frappait doucement sur sa tête penchée et lui disait d'une voix qui relève « Va donc, Abel, va donc, regarde bien là-bas, mon ami, tout au bout de mon pinceau. Eh bien, c'est Rome. Il faut que tu y portes de mes nouvelles. Il faut que tu ailles saluer Rome de mon nom, et que le tien y rentre en même temps. » C'est dans une de ces heures d'abattement, sans doute, et en laissant errer ses yeux devant lui, qu'il a rencontré ceux d'une belle et douce jeune fille. Il faut croire, ma sœur, qu'elle le regardait comme il fallait, pour lui donner bien du courage, car il travailla tant, et de son crayon, et de son génie, et de toute son âme éveillée, que l'autre jour le prix est tombé sur son front tout jeune, tout rugissant, tout étonné d'une telle chose. David le pressa fortement contre lui avec cette affection émue et profonde et de père qu'il porte à ses élèves. « Merci, Abel, lui dit-il. À Rome, Abel, à Rome. Tu y trouveras de ma famille, Abel. Il faut que toute mon école rende visite à Rome, à un laurier dans la main. » Et c'est doux de penser qu'Abel est maintenant un rayon de plus dans l'auréole de ce grand maître. Mais la jeune fille humble et douce et puissante, pensez-vous, ma sœur, qu'elle ne fut pas bien contente d'avoir un tel empire dans les yeux, et qu'il ne se remplisse pas de joie et de larmes lorsqu'Abel courut lui porter sa couronne? Quand il lui dit d'une voix qui sortait libre de son cœur dilaté que ce prix, ce triomphe, cet avenir qui s'ouvrait large et beau devant lui, tout serait pour elle, tout avec elle à son retour. Sans doute elle a pleuré, ma sœur, en disant « Adieu, au revoir ». Mais quelle jeune fille ne voudrait pas pleurer pour un tel au revoir? Quel bonheur de penser que toutes ne sont pas venues pour rien sur la terre, pour regarder vite et s'enfuir. Inutile qu'elles sont au bonheur des autres. Ce qui vous touchera, je crois, c'est qu'il voulut, avant de partir pour Rome, revoir dans un pieux pèlerinage son berceau caché, sa première école, ses premiers petits camarades, et passer devant une maison, une chère et imposante maison, fermée pour lui jusqu'alors, comme les chapelles voilées par un grillage, que l'on salue en passant, où le cœur envoie une prière fervente, et où l'on n'entre pas. Ses jeunes amis, avertis de son retour, fiers de son bonheur, accoururent tous en foule au-devant de lui, les mains pleines de fleurs, l'attendre à la porte de la ville, cette porte épaisse et sombre de nos villes de guerre, au lourd pont-levis soutenu par des chaînes qui tremblent et font du bruit sous les pas d'un enfant, où il l'avait vu passer en les quittant, si faible encore, si abandonné, pauvre Abel. Quand ils le reconnurent grandi comme eux, plus beau qu'eux, par ce je ne sais quel éclat d'un grand courage, d'une jeune gloire et d'un pur amour, resté simple comme eux pourtant, modeste et toujours naïf, les voilà qui s'arrêtent, qui se taisent, qui pleurent, puis leurs âmes s'exaltent, ils l'entourent, le pressent, l'enlèvent dans leurs bras, où il perd la force de se mouvoir, et l'emportent sous les fenêtres de la belle maison fermée, en criant de toute leur force « Vive notre camarade couronné, vive Abel qui part pour Rome !» Ces acclamations passionnées de voix claires et perçantes retentirent dans la petite ville calme et béante. La rue où ils s'arrêtent en est ébranlée. Les fenêtres en frissonnent. Une nouvelle et grande foule se répand et se presse autour d'une habitation élégante qui dépasse les autres. Le nom d'Abel couronné, d'Abel qui part pour Rome, y pénètre à travers les grilles dorées, les longs rideaux de soie et les persiennes immobiles. Ô ma sœur, il se glisse enfin jusqu'au cœur du père d'Abel, s'y arrête, l'oppresse et l'embrasse. La porte s'ouvre tout à coup avec bruit. Abel, presque étouffé de terreur, ne pouvait pas s'enfuir, retranché là, mais vainement comme au fond d'une forteresse. Un homme presque vieillard apparaît au seuil. Il regarde, il contemple sur tous ses bras entrelacés, étendus, le jeune voyageur, le lauréat, ma sœur, tremblant, honteux, pâle de sa gloire, et joli, je vous assure. Je l'ai vu le jour du prix. Les yeux de l'homme se troublent, un bon usage y passe et les mouille. Son âme s'amollit, il étend ses deux mains émues au-devant de ce fil si longtemps sevré du bonheur et du droit de dire « mon père ». Il le crie, ma sœur, et son père crie « mon fils, mon fils, mon fils ». Il le pleure, il le grave et l'imprime par ses baisers sur le front d'Abel, à la face d'une ville entière, de ces jeunes écoliers stupéfaits du succès de leur action hardie, et qui pleurent aussi de joie en le voyant entrer palpitant sur le cœur ivre et saisi de son père. Ils le suivent muets alors comme des vainqueurs étonnés, sous ce toit, plus haut que tous les autres toits. Ma sœur est si longtemps si inflexiblement interdit à celui qui l'honore. Abel y reçoit tout haut un nom tout entier, fier de se poser sur lui, de se marier étroitement au nom d'Abel, d'Abel couronné, d'Abel qui part pour Rome. Pour moi, je pense que nous verrons un jour de beaux tableaux signés de ce nom-là.